But I came back, 'cause you're like a comb string, you're like a nice cream, you're like a day cream, you're like a night cream, you're like a hand cream, and above all, my soul. Your laugh for the first time, laugh not me. It was generous and so sweet, you didn't have a lot of time, but it was slow burning. You're like a cold stream, you're like a nice cream, you're like a day cream, you're like a night cream, you're like a hand cream, and above all, my soul cream. We're aging together too. You're like a comb stream, you're like a nice cream, you're like a day cream, you're like a night cream, you're like a hand. Orly Chap chante donc ce soir dans Pop and Rock et la piste 2 de Valley of Joy, dernier album sorti en 2013, mélange langue de Molière et langue de Shakespeare. Ça s'appelle Bird on Fire et c'est toujours dans votre Pop and Rock avec Orly Chap. Dis-le-moi, serait-ce possible que tu sois l'oiseau sauvage qui se faufile dans ma cage? Dis-le-moi, serait-ce possible? J'ai le voyage, nous éclipserons ensemble ces barreaux. Sometimes I love a nous sommes, nous sommes radieux. Famille, amis, nouveau visage. Nous évitons à l'âme des bleus. Des bleus. Pop and Rock s'enorgueillit de découvrir de nouveaux talents, de ressortir des cadavres exquis du rock, mais également de nous proposer, de vous proposer quelques oldies but goldies. Ça faisait bien longtemps. On va filer donc en Écosse au début des années 80. Il y avait un groupe qui s'appelait Big Country. Le morceau, c'est The Seer. Your bell. RVR est une belle et grande maison dans laquelle on peut choisir tous les artistes que nous aimons pour vous les programmer sans modération. Et ce soir, merci à Joy, membre du duo rock Clinique Rodeo, pour nos échanges et pour l'envoi de leurs trois premiers albums. C'est donc l'occasion d'écouter Psychotel, tiré de leur premier album, qui a tout de l'hommage à Iggy Pop. Profitez, c'est pas très long. Je me dis que pour découvrir ce qu'est vraiment Clinique Rodeo, nous allions écouter les 4 pistes numéro 1 de leurs 4 albums. Voici donc Beverly Hills, issu de Beverly Hills, second album de Clinique Rodeo. Ça dure un petit peu plus que le Psychotel qu'on vient d'écouter, mais à peine 2 minutes, donc ne lâchez rien. Allez, on poursuit notre promenade dans l'œuvre du duo rock de Clinique Rodeo. Et pour l'album numéro 3, ce sera la piste 2, car la numéro 1 n'est qu'une intro de 9 secondes. Voici donc Unicorn, piste 2 de Hunters, troisième album de Clinique Rodeo. Unicorns. They come from hell. They're not really satisfied, running with their tiny legs. Nobody has ever seen them, but they look for pigeons' blood and for children's flesh. They don't wanna be brushed anymore. You can call them unicorns. Everything when they come, falling children in a toy store of a shopping mall. In the party shelf, after a while it was a chaos. The rainbows became red. They are almost fashionable. There are children on earth anymore. Ce soir, vous l'avez certainement compris, on ne présente pas le duo rock Clinique Rodeo, on envoie juste leur titre et on en recourse prochainement. Mais pour le moment, voici By My Flesh, piste numéro 1 de leur tout dernier album, Les Nuits, par Clinique Rodeo. C'était donc le duo rock de Clinique Rodeo qu'on retrouvera très prochainement dans Pop'n Rock et pourquoi pas, je l'espère, pour une petite interview. Mais en attendant, je ne sais pas si leur univers correspond à celui de Depeche Mode. En tout cas, Depeche Mode arrive pour un second Oldies But Goldies ce soir. Thank you. Il y a quelques semaines, Van der Waal apparaissait dans nos playlists. Ouais, encore des French qui renient la langue de Molière. Van der Waal est aussi ce soir dans Pop and Rock et on se fait tout de suite Get Down, premier titre du soir des Français de Van der Waal. Sur RVR et je sens une triplette de Van der Waal. Hey, tout à fait mon gars. Ouais, la scène rock française commence à faire vraiment très mal. Clinic Rodeo, mais également la triplette du soir, Van der Waal, qui revient pour un troisième titre, Jungle. Swapping the ride, that's all what they want, yeah. Will you take two robots in London and tripping the line? You get the likes, you get the followers. Nobody cares of your life, and I'm sure I you. Franchement, quand on regarde la programmation de notre pop and rock ce soir, on pourrait presque se passer des anglo-saxons pour secouer nos têtes à la Wayne's World. La preuve, avec à présent, les Belges de Black Box Revolution. Face. comme on l'a vu ce soir, le rock français et européen est magnifique, on peut donc bien se passer des anglo-saxons de temps en temps, mais cependant, nous n'allons pas cracher sur plus de 50% des playlists de pop and rock sur RVR. On va donc faire amende honorable et reconnaître que la culture rock anglo-saxonne est malgré tout irremplaçable. Reste encore un petit peu de temps dans Pop and Rock sur la très locale RVR. Après Saturn General avec I Lose Myself, vieux titre des années 80, on va écouter un Dandy Warhols pas tellement plus récent. 19 years old. You better not listen to your- Pop'n'Rock, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous.